vérité. Le premier ce soir, tu viens me percher lors du débat. Ouais, il va casser. Là, là, mais tu vas pas commencer, ça va être clair. Toi, Tony, tu la fermes. Vous la fermez tous les deux. Ouais, c'est bon, là, Tony. Hein. Allez, hop. Tony, vous le direz. Mais non, non, Tony, tu dégages. Tony, tu dégages. Bon, alors, la première question. Attends, Titi, toi. Moi, c'est Tony. Moi, je suis Tony. Eh bien, Tony, bonne nuit. Là, vous allez la fermer parce que là, c'est pas le thème du débat. Allô, Gérard, allô. Ouais, qu'est-ce que t'as, toi? Là, je te pose la question, quoi. Attends, Titi, toi. Pour l'instant, c'est moi qui mène les débats. Question suivante, pour l'instant, vous allez faire la fermer. Là. Vous allez vous calmer, lieutenant. Mais sois premier à Marseille. Ouais. Tu vas déjà commencer par être poli parce que je suis poli ce soir. Ok. Alors tu la fermes. Jean-Luc. Jean-Luc. Oui, Gérard. Je retourne chez toi et c'est bon. Oh, 6 minutes. Oh, oh. On commence le débat et on se calme. Pareil. La troisième. Auriez-vous